Cassandra, mon aimé. Je n'ai rien attendu de toi. Et tu m'as tout donné. Le temps, les astres et la terre, les champs, les cités, le mystère de la création, oublié après l'allaitement. Merci pour ton estime imméritée, mais sincère. Merci d'avoir guidé mes pas sur les places de Troie et de Macédoine, couronné de monuments d'empire renversé, victorieuse du désamour et de la paresse. Tu triomphes de la torpeur et de l'inconstance. Merci pour ton premier étreinte après la troupe, oasis ardent dans une ville lointaine. Le sentier était clair, clair, la porte de ta demeure. Tu as annoncé le bonheur partagé. Une vie ne suffirait pas pour t'aimer. Merci pour tes paroles, pour toi. Pensez que le souffle laisse pour moi parfum d'un été, ses arômes. Ton image m'enivrera après. Ma patrie, c'est l'endroit que tu habites. Ensemble, nous écrivons l'histoire de chaque continent. Entre toi et moi, l'éternité reste. L'éternité révèle ses secrets.